Urfunk.de, der Art Lieflang Mix. Avez-vous connu l'air dont nous pleurons le tréport? De pareil on n'en voit guère, de pareil on n'en voit pas. De pareil on n'en voit guère, de pareil on n'en voit pas. À peine était-il au monde qu'au lieu de gens de crier, il s'en allait à la ronde chanter dans tous les quartiers. Pas de faire l'enlaire, l'enlaire, à ce point qu'on l'appela l'enlaire, l'enlaire, l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. On l'a mis dans un collège pour apprendre le latin. On l'a mis dans un collège pour apprendre le latin. Il faisait le sacrilège, il fumait du libertin. Il faisait le sacrilège, il fumait du libertin. Et quand le maître sévère le condamnait au pain sec, sa nourriture ordinaire, il lui répondait en grec. Pas de faire l'enlaire, l'enlaire, il ne savait que cela. L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire. Pas de faire l'enlaire, pas de faire l'enlaire, pas de faire l'enlaire, pas de faire l'enlaire. Être soldat c'est trop frugal. On lui dit va t'en ou reste, être soldat c'est trop frugal. Médecin t'es trop modeste, commerçant t'es trop loyal. Médecin t'es trop modeste, commerçant t'es trop loyal. Tu veux donc être notaire, mais la charge est lourde à payer. Puisque tu ne sais rien faire, sois avocat ou boursier. Va te faire l'enlaire, l'enlaire, le diable a passé par là. L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Que dans les plaisirs permis, il ne plaçait la sagesse que dans les plaisirs permis. Changeant souvent de maîtresse, mais ne changeant jamais d'amis. Changeant souvent de maîtresse, mais changeant jamais d'amis. On voulut lui faire prendre femme, elle m'avait grosse dot. Oui, dit-il, j'ai pris me vendre et demain le premier sol pour me faire l'enlaire. L'enlaire. L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il ne fit rien dans sa vie pour ne pas faire le mal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il fut pauvre sans envie, il vécut au sol natal. Il resta célibataire et même il n'eut pas d'enfant. Si tu crois trouver sur terre beaucoup de ses descendants, va te faire l'enlaire, l'enlaire, on n'en fait plus de cela. L'enlaire, l'enlaire, l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. Va te faire l'enlaire, va te faire l'enlaire. guten Morgen. Hier ist Art Leeflang mit einem neuen Art Leeflang Mix am Orfunk.de. Und das Programm wird auch später, kann man das auch hören, am Webantenne Radio oder der Global Voice. Ja, ich fing an mit Vin du Nord. Und das Stück heißt L'Anlair. Und noch etwas davon. Oktober 1873. Vin du Nord. La rivière coulait dans le sens du vent. Le souffle d'un orage au point se leva. Le village face à face fixait calmement. Les cloches silencieux près du soulèvement. Les cloches silencieux près du soulèvement. Les anciens Canadiens, moins français quinzième, se donnaient rendez-vous pour se prendre en main. Dans un village au bord de la Richelieu, on appelait jadis rivière des Iroquois. On appelait jadis rivière des Iroquois. Certains dans la nuit, mesurant les distances en pipe et tambour. La frontière des étangs, la Yamaska, à cheval ou à pied, tous dans les mêmes ports. À cheval ou à pied, tous dans les mêmes ports. Un autre mois d'octobre et de dérangement, comme si le froid nous aidait à prendre le mort aux dents. Venant s'y compter, ils étaient assemblés quand elle fut levée. La colonne érigée pour la liberté, et ses fils réunis, projet d'égalité. Et ses fils réunis, projet d'égalité. Canadiens, Irlandais, aussi des Anglais, dénonçant l'attitude des nobles d'Angleterre. Dans les 92 résolutions, trouvèrent autant de raisons de faire la rébellion. Son représentant faisait bouger les choses dans le Parlement. Ses idées mises à prix ont pendu ces gens. Mais ils ne sont pas morts face au pied du courant. Mais ils ne sont pas morts face au pied du courant. Un autre mois de corbe et de dérangement, comme si le froid nous aidait à prendre le mort aux dents. Si le froid nous aidait à prendre le mort aux dents. Llego a Puerto, voy para Mayarí. San Cedro voy para Marcané, llego a Cueco voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco voy para Mayarín. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco voy para Mayarín. Ataque con vaya, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueco voy para Mayarín. Llego a Cueco, voy para Mayarín. Ataque, compañero, ataque. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueco, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueco, voy para Mayarín. Écoute-moi, من متعليك هادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت ان عايش معك غير انتي عايشة عايشة اكوتي موا عايشة عايشة انا نبغيك عايشة عايشة انت بابا عايشة عايشة ونموت عليك عايشة عايشة غير بابا del Viking. El sol se extiende veloz de San Antonio Maicí cuando lo canta la voz de Miguelito Cuní. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Te quiero, a ti te canto mi son entero. El sol se siente muy bien, el sol que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén. Dijo que al son le estaba llegando el fin, que no me venga llorando cuando suene el cornetín. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Romerillo, que conserva la salud, pregúntaselo a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar y me le quieren cambiar. Porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Esta canción y siempre eres lo primero. Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Voy cantando para ti porque tú eres la canción y yo te amo. Tú me das la inspiración para hacer la melodía y en el corazón te llevo. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son. regreso el son es de aquí y con todo el corazón cantacheo para ti. Eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste César Portillo, tu son entero. Thank you. Dulce Pontes mit einer sehr schönen Fado Mai. Und davor hörten wir Marihuana, ja, der Marihuana Band mit Erlin und Orchestra Aragon, Son El Son. Ja, gut, das war Musik von einem Album, das heißt Global Sounds Journey into Music. Eine sehr schöne Kollektion. Vielleicht spiele ich später noch etwas davon. Hier ist von einem Album Critics' Choice. Still Believe mit Michael Tomlinson. The towers of concrete, and not a thing that's green below the coldest snowy ground I've ever seen. I'd need a breath of clean air. How can a human breathe? How can we live like this and still believe? Beyond the frantic city, frozen prairie sleeps, still alive with trailing lonely dreams. We're all standing here like fence posts, torn wire between. How can we live like this and still believe? Gleaming I feel the sun on the rocks and the warm wind around me. And you are there warm and humming. I see your eyes and you knew I was coming. You say words in your silence I've never spoken. Cold wind on my shoulders, head down on my ears. Winter night that crawls like 7 years. Light spills over laughter from a tavern that rings. Can we live like this? Hey, can we live like this? Yeah, we can live like this and still believe. I wanna live where there's love and emotion. Say what I feel with my eyes wide and open. Dump all the fear in the river, wash it away. And take all the talk we've been using for cover. Out of the dark we can love one another. Dump all the fear in the river, wash it. Dump all the fear in the river, wash it. Dump all the fear in the river and wash it away. We can still believe. We can still believe. Adiós. Sehr schöne Kollektion. Critics Choice. Ich weiß nicht, wie die kritische Menschen sind, aber es klingt bestimmt doch gut. Critics Choice. Und wir spielten davon, na mal sehen, wer war das? Kenny Lankin. Kenny Rankin. Trouble Man. Und davor Your My Weakness from Shirley Eichel and Still Believe by Michael Tomlinson. Okay, we go weiter mit etwas live Musik von Neil Young. Comes a Time von einer Box von Neil Young natürlich. A Perfect Echo, das ist ein 10 CD Box. Und ich sagte schon, comes a time. And New York. A song I wrote about a train called the Southern Pacific Daylight. We might try to get it to come through here. It might be scared with all these lights, but it might come in here. Right through there, I guess it could come through there. Caboose first tonight. Okay. Thank you. Ja, das war New York, Down by the River. Und davor Comes a Time. Und auch noch inzwischen The Southern Pacific. Pacific, ja, Pacific. Okay, The Southern Pacific. New York von einer sehr schönen Box, The Perfect Echo. Und hier ist Mississippi Fred McDowell. And going down the river. I'm going down the river, take a right hand road. I'm going down. We'll be right back. evening to you all. With 9 miles and at the end of my sundown, rolling across the Georgia State. We're headed for the trouble, it turned into a struggle, and we crossed Alabama. My house broke down, left the stalls standing downtown. Mississippi, Mississippi uptown. comes in, first man takes the sail, second takes the after day, the third the planes and rails. What's the point to call it shots? This queue ain't straight in line. No one's got the time. Half cent takes me up to the moon. Hello, baby, I'm going goodbye. skating with a wolf and his fat by the silver stream. I can tell by the marking that you were in his dream. I shall count the trees. The darkies in between you and me, Cassidy. Quit beating an icy heart. Catch cold toss a coffin cart. There he goes in that hasty start. Yeah. Like a song that's born to soar the sky. Thank you. Das war Musik von The Grateful Dead, von Dick Spix Nummer 1 und davor Dick Spix Nummer 33. Cassidy, Weather Report, Suite, Mississippi Half Step und The Promised Land. Ja, Grateful Dead. Und wir sind fast am Ende dieses Programms gekommen, aber noch ein Album habe ich hier von Odetta Hartmann, das ich doch gerne spielen möchte. Creek Time. Odetta Hartmann. Sitting by the slides. shouting echoes in my head. Sat her next to me was the figure of a man. He said, excuse me, didn't looking awful sharp, teeth like daggers, eyes like dark. Chances can't be beat. Tap tap, said the cloven feet. Tap tap, with the cloven feet. Tap tap, tap said the cloven feet. Tap tap, tap tap, tap tap. Das war zum Schluss dieses Adlefromixes Odetta Hartman mit Lazy La und Dreamcatchers, Top Top und Creek Time. Das war es wieder, dieses Adlefromixes. Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Sonntagmorgen oder einen guten Mittwoch. Mittwoch. Okay, auf Wiedersehen. Bye bye. Thank you.